Lecture d'enfance. Les contes s'écoutent à tous les âges et à toutes les époques. Ainsi Cendrillon, que l'on connaît le plus souvent dans les versions de Charles Perrault ou des frères Grimm. Mais Cendrillon est un conte universel dont on retrouve des variations dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, dans la collection Sous la cendre, une Cendrillon italienne. Sous la cendre. Figure de Cendrillon. Réalisation Catherine Lemire. Rosso sangue sparso se solo l'avesse guardato e guardando taciuto. Cendrillon. De Vittorio Imbriani, avec Anne Bouvier, Gilles Privat. Il était une fois un homme qui avait trois filles. Un jour, il reçut l'ordre de partir travailler au loin et il leur dit « Puisque je vais faire un voyage, qu'est-ce que vous voulez que je vous rapporte à mon retour ?» L'une demanda une belle robe, l'autre un joli chapeau et un beau châle. Il dit à la plus jeune « Et toi, Cendrillon, que veux-tu ?» Il l'appelait Cendrillon parce qu'elle était toujours assise près de l'âtre. « Tu dois m'acheter un petit oiseau, vert d'hélio. » La nigaude, elle ne sait pas ce qu'elle va en faire de l'oiseau. Au lieu de demander une belle robe, un joli châle, elle prend un oiseau. Qui sait ce qu'elle va bien pouvoir en faire ? « Tais-toi, dit-elle, c'est ce qui me plaît. » Le père s'en alla, et quand il revint, il rapporta la robe, le chapeau et le châle, et le petit oiseau pour Cendrillon. Le père travaillait à la cour. Un jour, le roi lui dit « Je vais donner 3 balles. Si tu veux, tu peux y amener tes filles. Elles s'amuseront un peu. »« Comme vous voulez, sire, répondit-il, merci. » Et il l'accepta. Il revint à la maison et dit « Qu'est-ce que vous en dites, les filles ? Sa Majesté désire que vous participiez à son bal. » « Tiens, tu vois, Cendrillon, si seulement tu avais demandé une belle robe, ce soir, nous allons au bal. » Elle répliqua, « Cela m'est bien égal. Vous y allez, je n'y vais pas. » Le soir, quand ce fut l'heure, elles se pomponnèrent, disant à Cendrillon, « Viens donc avec nous, il y aura de la place pour toi aussi. Je ne veux pas y aller, allez-y vous deux, je ne veux pas y aller. »« Bon, allons-y, allons-y, » dit le père, « habillez-vous et venez, laissez-la ici. » Quand ils furent partis, elle alla vers l'oiseau et dit, « « Oh, oiseau vert d'hélio, fais-moi plus belle que je ne suis. » Elle se retrouva vêtue d'une robe d'un vert couleur de la mer et parée de tant de diamants que la regarder vous aurait ébloui. L'oiseau lui prépara 2 bourses pleines d'argent et lui dit « Prends ces 2 bourses, monte dans ton carrosse et en route !» Elle se mit en route pour le bal et laissa l'oiseau vert d'hélio à la maison. Elle entra dans la salle de bal. Les hommes avaient à peine remarqué la belle dame. Elle les éblouissait totalement. Quand le roi, imaginez, se mit à danser avec elle toute la soirée durant. Après avoir dansé avec elle toute la soirée, sa majesté s'arrêta et elle se trouva face à ses sœurs. Alors qu'elle se tenait près d'elle, elle sortit son mouchoir et un bracelet tomba. « Oh, signora, dit l'aînée, vous avez fait tomber ceci. Gardez-le pour vous, dit-elle. » Oh, si Cendrillon était là, qui sait ce qui lui serait arrivé ? Le roi avait donné des ordres pour que, après le départ de cette dame, on puisse savoir où elle habitait. Après être restée un moment, elle quitta le bal. Vous pensez bien que les serviteurs étaient à leur poste pour la guetter. Elle entra dans son carrosse. Elle s'aperçut qu'elle était suivie, prit l'argent et se mit à le jeter par la fenêtre du carrosse. Les serviteurs avides, je vous dis, voyant tout cet argent, ne pensèrent plus à elle, mais s'arrêtèrent pour le ramasser. Elle retourna chez elle et monta à l'étage. « Oh, oiseau vert d'hélio, fais-moi plus souillon que je ne suis. » Vous auriez dû voir comme elle se retrouva, affreuse, horrible, toute couverte de cendres. Quand ses sœurs revinrent, elles s'écrièrent « Cendrillon !»« Laissez-la donc toute seule, » dit le père. « Elle est endormie, laissez-la tranquille. » Mais elles montèrent la retrouver pour lui montrer le beau bracelet. « Tu vois ça, nigaude ? Tu aurais pu la voir. Ça n'a pas la moindre importance pour moi. leur père dit « Allons manger, bande de pies !» Revenons donc au roi, attendant ses serviteurs, qui n'avaient pas le courage de se montrer et restaient au loin. Il les appelle. « Comment ça s'est passé ?» Il se prosterne à ses pieds. Elle a jeté dehors tant d'argent ?»« Misérable, voilà ce que vous êtes, » dit-il. « Vous aviez peur de ne pas être récompensé ?» Demain soir, gare, sous peine de mort. Le lendemain soir, le bal habituel. Les sœurs demandent « Vas-tu venir ce soir, Cendrillon ?»« Oh, dit-elle, ne m'ennuyez pas, je ne veux pas y aller. » Le père leur crie à la tête « Ce que vous pouvez être pénible, laissez-la tranquille !» Elles se firent encore plus belles que la soirée précédente et se mirent en route. « Au revoir, Cendrillon !» Sitôt qu'elles furent parties, Cendrillon alla retrouver l'oiseau et dit « Petit oiseau vert d'Hélio, fais-moi plus belle que je ne suis. » Elle se retrouva vêtue d'une robe d'un vert couleur de la mer, brodée avec tous les poissons de l'océan et sertie de plus de diamants qu'on ne peut imaginer. L'oiseau lui dit « Prends ces sacs de sable et quand tu seras suivi, lance-en dehors, ils seront aveuglés. » Elle entra dans le carrosse et se rendit au bal. Dès que Sa Majesté la vit, il se mit à danser avec elle tant qu'il le put. Elle ne se fatiguait pas, mais lui, si. Elle s'approcha de ses sœurs, sortit son mouchoir, il en tomba un magnifique collier. La cadette dit « Signora, vous avez laissé tomber cela ?» Elle répondit « Gardez-le pour vous. Si Cendrillon était ici, qui sait ce qui lui serait arrivé ? Demain, il faut qu'elle vienne. » Quelque temps après, elle quitta le bal. Les serviteurs, imaginés un peu sous peine de mort, étaient tous sur le qui-vive et la suivirent. Elle se mit à leur jeter du sable et ils furent aveuglés. Elle s'en retourna chez elle, fourbue, et monta à l'étage. « Petit oiseau vert d'Hélio, rends-moi plus souillon que je ne suis. » Ce qu'elle devint, effrayante. Quand ses sœurs revinrent, elles l'appelèrent d'en bas. « Cendrillon !» « Si seulement tu savais ce que la dame m'a donné !»« Cela n'a aucune importance pour moi. »« Mais tu dois venir demain soir !»« Oui, oui, tu l'aurais eu !» Leur père dit « Allons manger, laissez-la tranquille, vous êtes vraiment stupide !» Revenons à Sa Majesté, attendant le retour de ses serviteurs pour savoir où elle vivait. Au lieu de quoi, ils furent tous ramenés aveugles et durent être raccompagnés. « Bande de fripouilles !» s'exclama-t-il. « Ou cette dame est une fée, ou bien une fée la protège !» Le jour suivant, les sœurs recommencèrent. « Cendrillon, tu dois venir ce soir. Écoute, c'est le dernier soir, tu dois venir !» Le père, « Mais laissez-la tranquille, vous l'embêtez toujours !» Elles s'en allèrent et se préparèrent pour le bal. Quand elles furent toutes prêtes, elles s'en allèrent pour le bal avec leur père. Dès qu'ils furent partis, Cendrillon alla retrouver l'oiseau. « Petit oiseau vert d'Hélio, fais-moi plus belle que je ne suis. » Elle se retrouva vêtue d'une robe aux couleurs du ciel. Toutes les comètes, les étoiles et la lune étaient sur la robe et le soleil sur son front. Elle entra dans la salle de bal. Qui pouvait donc la regarder ? Le soleil à lui seul leur fait baisser le regard et les aveugle. Sa Majesté se mit à danser, mais il ne pouvait pas la regarder tant elle l'éblouissait. Il avait déjà donné l'ordre à ses serviteurs d'être à leur poste de guet et, sous peine de mort, de la suivre à cheval et non à pied ce soir-là. Après être restée quelque temps, elle revient à la maison comme d'habitude. Les serviteurs la suivirent à cheval, rapidement, à distance certes, mais à cheval c'était facile. Elle s'aperçut qu'elle n'avait rien à leur jeter ce soir-là. « Oh !» s'écria-t-elle, « que vais-je faire ?» Elle quitta rapidement le carrosse et, dans la hâte, perdit une pantoufle. Les serviteurs la ramassèrent, notèrent le numéro de la maison et s'en allèrent. « Demain, dit Sa Majesté, dès qu'il fera jour, allez dans cette maison, prenez un équipage et ramenez cette dame au palais. » Les serviteurs prirent la pantoufle et s'en allèrent. Le lendemain matin, ils frappèrent à la porte. Le père de Cendrillon jeta un œil à l'extérieur et s'exclama « Au ciel, c'est l'équipage de Sa Majesté, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ils ouvrirent la porte et les serviteurs entrèrent. « Comme voulez-vous » demanda le père. « Combien de filles avez-vous ? » « Deux. » « Eh bien, montrez-les-nous. » Le père les fit venir. « Asseyez-vous, » dirent-ils à l'une d'entre elles. Ils lui passèrent la pantoufle. Elle était 10 fois trop large pour elle. L'autre fille s'assit. Elle était trop petite pour elle. « Mais dis-moi, brave homme, tu n'as pas d'autre fille ? Prends bien garde de dire la vérité. C'est ce que désire sa majesté, sous peine de mort. » « Messieurs, il y en a une autre, mais je ne la compte pas. Elle est toujours près des cendres et du charbon. Si seulement vous la voyez, de honte, je ne l'appelle pas ma fille. Nous ne sommes pas venus pour la beauté ou les parures. Nous voulons voir la fille. » Ses sœurs l'appelèrent. « Cendrillon, tu dois descendre. Des messieurs désirent te parler. Je ne veux pas descendre. Mais tu dois venir, vois-tu ? » ?»« Très bien. » « Dis-leur que j'arrive dans un moment. » Elle alla retrouver le petit oiseau. « Ah, petit oiseau Verdelio, fais-moi plus belle que je ne suis. » Elle se retrouva alors habillée telle qu'elle l'était le soir précédent, avec le soleil, la lune et les étoiles, et pour couronner le tout, des chaînettes en or partout sur sa robe. L'oiseau lui dit « Emmène-moi avec toi, mets-moi dans ta poitrine. » Elle met l'oiseau dans sa poitrine et commence à descendre les escaliers. « Vous l'entendez, dit le père, vous l'entendez, elle traîne avec elle les chaînes de l'âtre. Vous pouvez imaginer comme elle doit être laide, à faire peur. » Quand elle atteignit la dernière marche et qu'ils la virent, « Oh !» s'exclamèrent-ils en reconnaissant la dame du bal. Vous imaginez la vexation du père et des sœurs ? Ils la firent asseoir, lui firent essayer la pantoufle, elle lui allait. Ils la firent ensuite entrer dans le carrosse et la ramenèrent auprès de sa majesté, qui reconnut la dame des soirs précédents. Amoureux comme il l'était, vous pensez bien qu'il lui dit « Voulez-vous être ma femme ?» Soyez sûr qu'elle dit oui. Elle envoya chercher son père et ses sœurs et les fit tous venir au palais. Ils célébrèrent le mariage. Quelle belle fête que ces épousailles! En récompense, les serviteurs qui avaient découvert où vivait Cendrillon furent promus aux positions les plus élevées du palais. Date, belle date. 2. Italo Calvino avec Julie Sicard, Gilles Privat, il était une fois un marchand qui avait 3 filles assez grandes. Rose la première, Jeannette la deuxième, Ninette la troisième, la plus jolie des 3. Un jour, le marchand est avisé d'un coup à faire. Il revient à la maison, tout pensif. « Qu'avez-vous, papa ?» lui demandent les filles. « Rien, mes enfants. Il m'arrive une grosse affaire et je ne peux pas y aller pour ne pas vous laisser seul. » « Qu'à cela ne tienne, seigneur père, » lui dit l'aîné. « Que votre seigneurie fasse des provisions pour le temps que vous aurez à rester au loin. Puis faites murer les portes avec nous dedans. » Et nous nous reverrons quand Dieu le permettra. » Ainsi fait le marchand. Il achète des provisions en quantité, puis il ordonne à l'un de ses serviteurs d'appeler chaque matin de la rue la fille la plus âgée et de faire ses commissions. En prenant congé, il demande « Rose, que veux-tu que je t'apporte ?» Et elle « Une robe couleur de ciel. » « Et toi, Jeannette ?»« Une robe couleur de diamant. » « Et toi, Ninette ?» « Je veux que votre seigneurie me rapporte une belle branche de dattes dans un vase d'argent. Si vous ne me le rapportez pas, que votre navire se trouve dans l'incapacité d'avancer ou de reculer. »« Oh, malheureuse !» lui disent ses sœurs. « Ne te rends-tu pas compte que tu risques d'avoir jeté un mauvais sort à ton père ?»« Mais non !» dit le marchand. « Ne la grondez pas. Elle est jeune, il faut la laisser dire. » Le marchand part et il débarque à l'endroit qu'il faut. Il réussit son coup de commerce, après quoi il songe à acheter la robe pour Rose et la robe pour Jeannette, mais il oublie complètement la branche de dattes pour Ninette. Quand il se rembarque et se trouve en pleine mer, une affreuse tempête se produit. Foudre, éclairs et tonnerre, d'énormes vagues, et le bateau ne peut ni avancer ni reculer. Le capitaine était désespéré. « D'où diable nous vient cette tempête ?» Alors le marchand, se rappelant le sort jeté par sa fille, « Capitaine, j'ai oublié une commission. Si nous voulons sortir de là, il faut tourner le gouvernail. » Allez comprendre, à peine a-t-on tourné le gouvernail que le temps change. Et c'est le vent en poupe qu'il retourne au port. Le marchand descend, achète un rameau de datte, le met dans un vase d'argent et retourne à bord. Les matelots lèvent les voiles et en 3 jours de navigation paisible, ils arrivent au port. Entre-temps, durant l'absence du marchand, les 3 filles étaient demeurées dans la maison aux portes murées. Rien ne leur faisait défaut. Elles avaient même un puits dans leur cour, si bien qu'elles pouvaient puiser de l'eau. Or, un jour, l'aînée des sœurs laisse tomber son dé à coudre dans le puits. Et Ninette dit « Ne vous tourmentez pas, mes sœurs. Descendez-moi dans le puits et je remonterai le dé à coudre. » « Descendre dans le puits ? Tu es folle ?» lui dit l'aînée. « Mais oui, je descendrai le chercher. » Et les sœurs la descendent dans le puits. Le dé flottait à la surface de l'eau et Ninette le prend, mais en relevant la tête, elle voit une fente dans la paroi du puits d'où venait de la lumière. Elle ôte une brique et découvre, de l'autre côté, un beau jardin avec toutes sortes de fleurs, d'arbres et de fruits. Elle se fraye un chemin en déplaçant les briques et se faufile dans le jardin. Là, les fleurs et les fruits les plus beaux sont à sa disposition. Elle en remplit son tablier, retourne au fond du puits, remet les briques en place et crie à ses sœurs « Ramenez-moi en haut !» Et ses sœurs la voient reparaître fraîche comme une rose, son tablier rempli de jasmin et de cerises. Oh, où as-tu trouvé d'aussi jolies choses ? Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Demain, vous me descendrez encore et on prendra le reste. Ce jardin était le jardin du prince du Portugal. Quand celui-ci vit ses parterres saccagés, il s'en prit avec véhémence à son pauvre jardinier. Mais moi, je ne suis au courant de rien. Comment cela a-t-il pu se faire ? Continuait à dire le jardinier. Mais le prince lui ordonna de mieux surveiller le jardin, sans quoi il serait puni. Le lendemain, Ninette, prête à descendre dans le jardin, dit à ses sœurs « Allez, descendez-moi. Tu es folle ou tu as bu ? Je ne suis ni démente ni ivre, descendez-moi. » Il fallut en passer par là. Elle déplace les briques et pénètre dans le jardin. Des fleurs, des fruits, le tablier à nouveau rempli, puis « Ramenez-moi en haut !» Mais comme elle s'en allait, le prince, à sa fenêtre, la voit filer comme un lapreau. Il court au jardin, mais elle a déjà disparu. Il appelle le jardinier. « Cette fille, par où est-elle passée ?»« Quelle fille, majesté ? Mais celle qui cueille des fleurs et des fruits dans mon jardin !»« Mais moi, je n'ai rien vu, majesté, je vous jure !»« Bien !» Demain, c'est moi qui monterai la garde. De fait, le lendemain, caché derrière une haie, il voit la jeune fille apparaître entre les briques, entrer, remplir son tablier de fleurs et de fruits. Il bondit et cherche à l'attraper. Mais Ninette, souple comme un chat, saute dans le trou du puits, le bouche avec les briques et disparaît. Le prince inspecte le mur, mais il ne trouve aucun endroit où l'on puisse déplacer les briques. Il attend le lendemain, le surlendemain. Mais Ninette, effrayée d'avoir été découverte, ne se fera plus descendre dans le puits. Le prince avait trouvé cette fille belle comme une fée. Plus guère de paix pour lui. Il tombe malade. Les médecins du royaume n'y comprennent en goutte. Le roi, son père, ordonne une consultation avec tous les médecins, les savants et les philosophes. Les uns et les autres prennent la parole. Pour finir, on la donne à un barbe sage. « Majesté, dit le barbe sage, demandez à votre fils s'il n'a pas quelque sympathie pour une fillette, car alors tout s'expliquerait. » Le roi fait appeler son fils et le questionne. Le fils lui raconte tout. S'il n'épouse pas cette jeune fille, il ne retrouvera point la paix. Le barbe-sage dit « Majesté, donnez 3 jours de fête au palais et envoyez avis que tous les pères et toutes les mères, quelles que soient leurs conditions, aient à y amener leurs filles, sans quoi ils seront tous exécutés. » Le roi approuve, on proclame l'avis. Pendant ce temps, le marchand, revenu de son voyage, avait fait ouvrir les portes murées, puis avait donné leurs robes à Rose et à Jeannette, ainsi que la branche de datte dans son vase d'argent à Ninette. Rose et Jeannette attendaient avec impatience qu'il y eût un bal et apprêtaient leurs robes. En revanche, Ninette restait enfermée avec sa branche de datte et ne pensait ni à des fêtes ni à des bals. Le père et les sœurs disaient qu'elle était folle. Quand on cria l'avis du roi, le marchand rentre à la maison et l'annonce à ses filles. « Oh, que c'est beau !» s'exclament Rose et Jeannette. Mais Ninette hausse les épaules et dit « Allez-y, vous deux, moi je n'en ai guère envie. » « Ah non, ma fille, dit le père, c'est sous peine de mort. On ne badine pas avec la mort. »« Et moi, qu'ai-je à voir là-dedans? Qui voulez-vous qui sache que vous avez 3 filles? Vous ferez comme si vous en aviez 2. » On débat à perte de vue. « Oui, il faut que tu viennes avec nous. »« Non, je n'irai pas avec vous. » Le soir de la première fête arrivée, Ninette reste à la maison. Dès que ses sœurs sont parties, Ninette s'adresse à son rameau de datte et lui dit « Gratula, pedatula, monte et habille Nina, qu'elle soit plus belle qu'avant. » À ces mots, une fée sort de la branche de datte. Puis, une deuxième fée. Et enfin, quantité d'autres fées. Toutes apportaient des vêtements et des bijoux sans pareil. Elles entourent Ninette. L'une la lavait, l'autre tressait ses cheveux, une troisième l'habillait. En un clin d'œil, elle est magnifiquement vêtue. Avec colliers, brillants et pierres précieuses. Une fois devenue une vraie pièce d'or, de la tête aux pieds, elle monte dans son carrosse, va au palais, gravit l'escalier, et voilà tout le monde dans l'admiration. Le prince la voit et la reconnaît. Il court le raconter au roi. Ensuite, il se tourne vers elle, lui fait la révérence et lui demande « Comment vous portez-vous, madame ?» Hiver comme été. Comment vous appelez-vous? Par mon nom. Et où logez-vous? Dans la maison qui a une porte. Dans quelle rue? La ruelle où il y a de la poussière. Madame, vous me faites mourir. À votre aise. Tout en causant aimablement de la sorte, ils dansent ensemble toute la soirée, au point que le prince en était tout essoufflé. Alors qu'elle restait fraîche comme une rose. Le bal fini, le roi, toujours habité par le souci de son fils, donna l'ordre à ses serviteurs, sans attirer l'attention, de suivre la dame pour voir où elle habitait. Ninette monte dans son carrosse. Mais quand elle s'aperçoit qu'on la suit, elle dénoue ses tresses et ses perles et pierres précieuses tombent sur le pavé. Les serviteurs se jettent dessus comme des poules sur leur pâté. Et allez donc, Ninette fait fouetter les chevaux et disparaît. Elle arrive à la maison avant ses sœurs et dit « Gratula, pédatula, descends et déshabille Nina, qu'elle soit comme elle était avant. » Et aussitôt, elle se trouve dépouillée et vêtue des effets qu'elle porte habituellement à la maison. Les sœurs rentrent. « Ninette ! Ninette, si tu savais comme c'était joli! Il y avait une jolie dame qui te ressemblait un peu. Si nous n'avions pas su que tu étais ici, on aurait cru que c'était toi. » Oui, moi, j'étais ici, avec mes dattes. Mais tu sais, demain soir, il faut que tu viennes avec nous. Entre-temps, les serviteurs du roi étaient rentrés au palais, les mains vides. Et le roi, valets déloyaux, vous trahissez mes ordres pour un peu d'argent? Malheur à vous si demain soir, vous ne la suivez pas jusque chez elle. Le lendemain soir, Ninette refuse encore d'aller au bal avec ses sœurs. Cette petite va devenir folle avec son rameau de date. Allons. » Et elles partent. Ninette de s'adresser aussitôt à la branche. « Gratula, Betatula, monte et habille Nina, qu'elle soit plus belle qu'avant. » Et les fées de la coiffer, de l'habiller avec des habits de gala, de la couvrir de bijoux. Au palais, tous les présents n'avaient Dieu que pour elle, surtout ses sœurs et son père. Le prince se précipite auprès d'elle. « Madame, comment vous portez-vous ? » ?»« Hiver comme été. »« Comment vous nommez-vous ? » ?»« Par mon nom. » Et ainsi de suite. Le prince ne se fâchait pas et il l'invite à danser. Ils dansèrent ensemble toute la soirée. « Bonne mère !» disait une sœur à l'autre. « Cette dame, c'est vraiment Ninette tout crachée ?» Pendant que le prince l'accompagnait à son carrosse, le roi fait signe à ses serviteurs. En se voyant suivie, Ninette lance une poignée de pièces d'or. Et ce faisant, elle visait les visages. Elle abîme le nez de l'un, poche l'œil d'un autre. Bref, elle parvient une fois de plus à leur faire perdre la trace. Et ils retournent au palais comme des chiens battus, à tel point que le roi lui-même en est apitoyé. Mais il dit « Demain soir, c'est le troisième bal. » Il faut que d'une manière ou d'une autre, on apprenne quelque chose. Le troisième soir, tout comme les soirs précédents, Ninette se rend au palais, belle et resplendissante, comme elle n'a jamais été. Le prince danse avec elle plus encore que les autres fois. Et on voyait bien que l'amour le faisait fondre comme une bougie. À un certain moment, Ninette s'apprête à partir, mais elle est invitée à paraître en présence du roi. Elle y va, toute tremblante, et s'incline. « Fillette, dit le roi, deux soirs de suite tu t'es moquée de moi, tu n'y arriveras pas ce troisième soir. »« Mais qu'ai-je fait, majesté ?»« Tu as fait que mon fils meure d'amour pour toi. Ne pense pas que tu vas échapper. »« Quel est le verdict qui m'attend ?»« Le verdict est que tu seras l'épouse du prince. »« Majesté, je ne suis pas libre. » J'ai un père et deux sœurs aînées. Qu'on appelle le père. Quand il s'entend appeler par le roi, le pauvre marchand se dit « Appel du roi, chose bonne n'est pas. » Il en a même la chair de poule, car pas mal d'irrégularités pèsent sur sa conscience. Mais le roi lui fera grâce de toutes ses défaillances et lui demandera la main de Ninette pour son fils. Ainsi, le lendemain, ouvrira-t-on la chapelle royale pour la noce du prince et de Ninette? La notte belle sole sole a stupeyes c'è sta nessun c'è sta nessun c'è rabbia nelle iette. C'était Date, belle date, de Italo Calvino, avec Julie Sicard, Gilles Privat. Sous la cendre, figure de Cendrillon, prise de son et mixage Philippe Carminati. Montage, Sébastien Labarre et Yanis Djoudad. Assistante, Marie Dupuis. Réalisation, Catherine Lemire. Sous la cendre, figure de Cendrillon, est publié aux éditions José Corti. Cette émission était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.